L'agroécologie. On m'a souvent posé la question, je ne sais pas ce que c'est. Le McDo est le symbole de ces multinationales qui veulent nous faire bouffer de la merde et qui veulent faire crever les paysans. Agro j'écoute. L'émission où les étudiants de l'école d'ingénieurs de Purpan prennent le micro pour nous parler d'agronomie, d'environnement, d'agroalimentaire et d'agriculture. Agro j'écoute, une émission préparée et conçue par Sophie Yvon et Simon Giuliano. Les paysans ne sont pas les seuls dans le département de l'Aveyron à s'en prendre au symbole de l'industrie agroalimentaire. En partenariat avec Campus FM, l'Université fédérale de Toulouse et l'école d'ingénieurs de Purpan. Bonjour à tous et bienvenue sur Agro j'écoute. Nous sommes trois étudiants de l'école d'ingénieurs de Purpan. En cinquième année, en spécialité devenir acteur de la transition agroécologique, donc Julien Lamarck, Anita Poineau et Armand Beaumard. Et on est aussi aujourd'hui rejoint par Monsieur Lionel Durand, qui est un salarié de l'association des greniers d'abondance, pour vous parler du sujet de la résilience alimentaire. Et pour introduire le sujet, nous avons une citation de Pierre Rabhi, qui l'a dit en 2015. Une crise alimentaire pourrait en effet permettre de remettre les pendules à l'heure et de se rendre compte de ce qui est vraiment essentiel. Nous croyons être dans la certitude. Mais l'organisation même de la production de nourriture, la monoculture extensive, la standardisation font que le moindre grain de sable dans la machine, sécheresse, virus, plus extrême, peut créer une pénurie de très grande ampleur qui affectera en priorité les villes. Donc Pierre Rabhi, à cette époque, évoquait l'arrivée d'une crise qui pourrait transformer notre système alimentaire et agricole, mais nous aimerions que le grand public s'approprie le sujet de la résilience alimentaire avant qu'une crise nous y oblige. Donc pour rentrer dans le vif du sujet, on va d'abord définir la résilience alimentaire. Mais avant ça, la sécurité alimentaire, dont vous avez sûrement déjà entendu parler et qui sont parfois confondues. Donc la sécurité alimentaire, elle définit l'accès à tous, à tout moment, à une alimentation de qualité et en quantité pour satisfaire les besoins fondamentaux de tous. Alors que la résilience alimentaire, quant à elle, elle met l'accent sur la capacité dans le temps d'un système alimentaire à faire face à des perturbations variées et imprévues. Donc ça donne une notion un peu plus réaliste par rapport au contexte changeant dans lequel on vit. Et c'est en gros comment on nourrit les gens en cas de crise. Voilà. Donc à titre d'exemple, par exemple lors de la période Covid, qui a été une crise sanitaire inattendue, ben, certaines personnes qui avaient l'habitude de se nourrir normalement et qui avaient atteint une sécurité alimentaire, ils se sont retrouvés face à des rayons en supermarché, qui étaient vides. Donc ce qui nous permet d'entrevoir les failles de notre système alimentaire actuel. Anita, tu as parlé de système alimentaire. Pour éclairer un peu sur ce point, donc le système alimentaire, ça regroupe tous les acteurs, tous ceux qui participent à la production, l'acheminement, la transformation de nos produits alimentaires jusqu'à qu'ils arrivent dans notre assiette. Donc aujourd'hui, notre système alimentaire, il repose sur une agriculture assez spécialisée. On a des grands bassins de production en France et qui du coup nous rend dépendants aux flux et aux carburants puisqu'il va falloir transporter tous ces aliments d'une région à l'autre. En France, on a à peu près 30 000 semi-remorques par jour qui servent à déplacer ces produits alimentaires. On a aussi du coup des sites de transformation qui sont assez spécialisés. En France, on a par exemple 10 sites agro-industriels qui font à peu près 70% de la production nationale de lait. Donc ça induit qu'on a une forte dépendance des territoires les uns vers les autres. Et pas qu'au niveau du coup français, puisqu'on a plus de la moitié des fruits et des légumes qui sont consommés en France qui sont importés depuis l'étranger. Donc cette question, elle se pose aujourd'hui, celle de la résilience alimentaire. Comment on fait avec notre système actuel, qui est assez exposé, pour être plus résilient? Oui, donc effectivement, on a un système alimentaire qui est assez fragile et qui du coup peut être assez facilement perturbé par des crises. Et le problème de ces crises, c'est qu'on ne peut pas les prévoir. On ne peut pas les prévoir ni dans le temps, ni dans leur intensité. Et elles ont toutes de fortes conséquences immédiates sur la population, sur leur quotidien. C'est comme si on avait une chaîne parfaitement rodée et qu'un maillon cassé subitement. Donc ces crises, qu'est-ce qu'elles peuvent être? Il y en a plusieurs, il y en a beaucoup. On va en parler, on va parler peut-être des plus connues, des principales qu'on vit en ce moment. Déjà les crises climatiques. Donc avec le changement climatique, on va avoir de plus en plus d'aléas climatiques extrêmes, donc des crises. Donc on peut parler par exemple de périodes de sécheresse qui sont plus longues, plus intenses, des épisodes de pluie extrêmes, des périodes de gel qui du coup sont décalées. Et tout ça, ça a une incidence sur notre production alimentaire en France. Et on en subit déjà les conséquences aujourd'hui. On parle par exemple dans l'actualité de la tempête qui s'est passée dans le nord-ouest de la France la fin 2023, qui a causé la perte d'à peu près 10% de la production de légumes en France. Pareil dans l'actualité, on a tout ce qui est crise géopolitique, qui du coup peuvent perturber les imports, les exports, les prix des matières premières et de l'énergie. C'est exactement l'exemple de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, qui du coup a causé l'augmentation des prix des intrants agricoles. Donc par exemple, les engrais azotés, qui du coup permettent de faire pousser nos plantes, qui sont passés d'à peu près 230 euros la tonne en avril 2021, qui sont arrivés jusqu'à 845 euros l'année d'après. Ça, c'est selon le cabinet de conseil Agritel. Et puis après, il y a d'autres crises, ça c'était deux principales, mais on peut aussi vivre des crises sanitaires qu'on ne prévoit pas pareil, des crises économiques, des nouvelles maladies de plantes et d'animaux, et aussi des évolutions institutionnelles comme une nouvelle loi qui passe ou l'évolution de la PAC. Donc à travers toutes ces menaces citées par Juline, on comprend bien que notre système alimentaire, il est plutôt fragile, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on se pose la question de la résilience alimentaire. Donc on aimerait ajouter un élément qui nous vient de Stéphane Linou, pionnier du mouvement Locavore et spécialiste des enjeux liés à la résilience alimentaire. Cette question-là, en fait, il faut vraiment se la réapproprier, tout simplement parce que c'est la plus vieille du monde, mais en plus, elle permettra de comprendre les enjeux de l'eau, du climat, du lien social, de l'économie, de l'écologie, de tout ça. Donc en fait, pour moi, la résilience alimentaire des territoires, c'est le cheval de Troie idéal pour faire comprendre tout le reste. Et bien justement, dans cet extrait, Stéphane Linou, il nous dit que il évoque en fait le fait que la résilience alimentaire, c'est une porte d'entrée vers divers enjeux de notre société. Et donc elle permet de concentrer de nombreuses problématiques. Et donc, pour information, si ça vous intéresse, il a publié un livre enquête en 2019 qui se nomme « La résilience alimentaire et sécurité nationale ». Et donc, dans ce livre, il donne une idée de la place et de l'intérêt de la résilience en France au sein des différentes instances. Et il donne des pistes pour savoir si la France est prête à faire face à une pénurie alimentaire. Donc maintenant qu'on a compris l'intérêt de ce sujet, on peut se poser la question, un peu quel est l'état des lieux aujourd'hui de la résilience alimentaire ? Et où est-ce qu'on en est en France ? Donc pour répondre à cette question, nous recevons M. Lionel Durand. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Bonjour, oui. Bonjour, je suis Lionel Durand. Donc je suis salarié, comme vous l'avez dit, en introduction de l'association Les Greniers d'Abondance. L'association Les Greniers d'Abondance, elle existe depuis fin 2018. Et elle s'est donnée pour objectif d'étudier le système alimentaire. Et puis de produire sur ce sujet des communs à destination principalement des collectivités, mais aussi du grand public. Ok. Est-ce que du coup, vous pouvez nous parler un petit peu plus de Crater ? Oui, donc Crater, ça fait partie des communs qu'on produit au sein de l'association. Moi, j'ai intégré l'association pour monter ce projet-là avec une autre personne, d'abord en tant que bénévole, et puis aujourd'hui, on est salarié sur ce projet en particulier. L'objectif de Crater, c'est une application en ligne, gratuite, accessible donc sur crater.résilience-alimentaire.org, qui permet, sur un territoire, à partir d'un code postal ou d'un nom de territoire, d'accéder à un diagnostic synthétique du système alimentaire. Et donc, qui permet d'évaluer la résilience, mais pas que la résilience, la durabilité, au travers d'un certain nombre d'indicateurs. Moi, j'aurais peut-être juste une question sur un terme que vous venez d'employer. Quand vous dites les communs, qu'est-ce que ça désigne ? Pourquoi vous avez choisi ce terme ? L'idée, c'est de produire du savoir et des outils qui sont libres et gratuits et disponibles pour toutes et tous, en licence ouverte. Donc tous les contenus, la méthodologie est complètement transparente et peut être lue et puis critiquée, amendée par tout un chacun. D'accord. Et du coup, pourquoi est-ce que vous avez choisi à la base de travailler sur la résilience alimentaire ? Pourquoi ce sujet ? Moi personnellement ou l'association Les deux. Donc l'association est née de ce constat qu'à l'époque, par des gens qui venaient du Shift Project, qui regardaient beaucoup la question et le prisme climat-énergie. Et ils se sont dit qu'il y avait un peu un oublié et un besoin de condenser pas mal de savoir sur ce sujet-là. Et donc c'est les deux cofondateurs, Félix Lallemand et Arthur Grimont-Pont, qui à ce moment-là se sont intéressés au sujet. On commençait à travailler avec un territoire, Angoulême, et avec le soutien de l'ADEME, on a pu monter l'association. Ok. Est-ce que du coup, vous pouvez nous expliquer un petit peu plus comment Cratère, sur quels indicateurs elle se penche, comment ça fonctionne, sur quoi vous vous basez pour calculer ces indicateurs ? Oui, donc comme je le disais au début, l'idée c'est, au tout début du projet, ça a été on voyait qu'il y avait un besoin en fait dans les collectivités d'avoir une vision assez simplement de quelques informations clés en fait. Qu'est-ce que je produis sur mon territoire ? De quoi j'ai besoin ? Est-ce que mes pratiques agricoles sont vertueuses par rapport à, par exemple, à la biodiversité, etc. etc. Et donc on voyait pas mal de territoires qui faisaient ou refaisaient faire ce travail de consolidation de données d'un côté, et de l'autre côté il y a un bon nombre de données qui étaient disponibles de manière gratuite et ouverte. Et donc on, à partir de là, on s'est dit y a un intérêt en fait à ce que dit l'association dans des livres. L'association avait publié un livre à l'époque. Ce que dit l'association dans des livres, on peut l'appliquer à certains territoires en allant chercher ces données-là et en créant des indicateurs qu'on veut essayer de faire le plus simple possible. Donc il y avait aussi dès le début cette idée de pas construire un outil technique pour les techniciens, mais d'essayer quand même d'avoir une ouverture. Et un des objectifs de Cratère, c'est une personne, dont un élu, qui va avoir 30 secondes et qui connaît peu au sujet, voit la page sur son territoire et peut se dire « oui, là, peut-être que, par exemple, sur l'artificialisation des sols, il y a quelque chose à faire chez moi ». Vous l'avez vraiment créé pour que ce soit accessible au plus grand nombre, ou au plus grand nombre, ou c'était vraiment axé un peu plus sur, pour les élus Non, on a toujours gardé cette double cible avec. On allait interviewer beaucoup de territoires pour savoir de quoi ils avaient besoin. Donc ça reste toujours notre cible principale. Alors pas les élus, mais les agents plutôt qui travaillent avec les élus. Mais en second niveau, on garde en tête que des collectifs mobilisés, des élus qui ont envie de s'intéresser au sujet doivent pouvoir comprendre. Donc on essaie, dans une bonne mesure, de mettre la donnée en graphique, de mettre la donnée sous forme de carte, d'expliquer assez simplement les concepts que vous avez présentés, de sourcer tout ça, d'avoir une méthodologie qui explique clairement comment on fait ces calculs, pourquoi on fait ces choix-là, parce qu'il n'y a pas de choix, il n'y a pas de calcul neutre en fait, donc il y a forcément des choix. Et on s'appuie aussi beaucoup autant que possible, sur des labos et des travaux de recherche, donc qui nous aident sur certains indicateurs pour orienter nos choix. Et du coup, avec la plateforme Cratère, vous raisonnez à quelle échelle ? Du coup, c'est à l'échelle de communes, plutôt de territoires un peu plus grands, régions Alors, autant qu'on peut, communes, c'est-à-dire que les échelles disponibles dans l'application vont de la commune à la France. Donc, quand on peut exprimer des indicateurs à l'échelle communale, on le fait, sachant que c'est plus on descend à ce niveau-là, qui est un niveau très fin, plus la donnée peut poser problème, plus la fiabilité du coup de ce qu'on raconte peut être peut poser problème aussi. Donc on propose dans ces cas-là souvent, donc on présente systématiquement les diagnostics et les résultats à l'échelle communale. Si vous cherchez une commune, on va vous présenter le diagnostic à l'échelle de la commune, mais vous pourrez assez facilement basculer sur la communauté de communes, le département, la région et la France, parce qu'il y a aussi un intérêt. Toutes ces questions sont des questions qu'il faut considérer dans une vision alors systémique. Vous l'avez peut-être dit dans la présentation, mais donc toujours chercher à reculer d'un cran. Par exemple, si on parle de capacité d'un territoire à nourrir sa population, une ville, une métropole comme Toulouse n'a pas la vocation à nourrir et ne pourra jamais nourrir sa population. La question c'est sur quelle est la bonne échelle, en fait, quel est le bon périmètre qu'il faut considérer autour de Toulouse pour relocaliser, reterritorialiser le système alimentaire. Est-ce que c'est le département, est-ce que c'est la région, etc. Et donc c'est pour ça qu'on considère et qu'on facilite le voyage entre ces différentes échelles. Donc du coup, vous n'avez pas le même raisonnement si on parle par exemple d'une métropole comme Toulouse, Paris, que sais-je, et des petits territoires un peu plus ruraux. Du coup, c'est pas du tout le même raisonnement, le même calcul. Alors, tout à fait. Alors, l'application en elle-même n'a pas de raisonnement. Par contre, l'utilisation, la manière dont on présente les informations fait qu'on veut faciliter tout ce que je viens de vous expliquer, cette prise de recul, donc sur l'échelle territoriale. Regardez aussi les voisins, donc c'est pour ça qu'on a mis des fonctionnalités de cartes. Pour que je suis Toulouse, je regarde une carte et je vois qu'il y a des territoires, par exemple autour de Montauban, qui produisent plus, qui sont excédentaires. Et ça, c'est un point d'entrée pour penser des filières, en fait, des filières plus locales. Et du coup, avec cet outil, vous calculez la résilience à différentes échelles. Et est-ce que du coup, ça, comme vous avez dit, si j'ai bien compris, ça aide à la réflexion de comment raisonner la résilience alimentaire, sur quelle échelle ? Est-ce que vous accompagnez cette réflexion ou voilà, vous soumettez des idées Ouais, alors je vais, avant de répondre à la question sur l'accompagnement, je vais juste faire une petite précision. Allez-y. L'outil s'appelle Calculateur pour la résilience alimentaire des territoires. C'était le nom initial. Ce qu'on voit, c'est qu'on ne calcule pas la résilience, en fait. On préfère dire aujourd'hui qu'on donne des indicateurs qui aident à l'évaluation du système alimentaire sous beaucoup de formes. Vous avez parlé, hein, le système alimentaire aujourd'hui, il est menacé. Ce qu'on dit aussi, nous, ce qu'on a l'habitude de dire, il est menacé par pas mal de choses, dont une aussi que vous n'avez pas évoquée, qui est la crise de la biodiversité, qui est quelque chose pour l'agriculture, hein, qui est vraiment... qui est aussi oublié souvent, et qui est juste indispensable. Et il est aussi, dès aujourd'hui, défaillant. Il y a un certain nombre de choses qui ne marchent pas. Notre alimentation a fait que l'obésité a été multipliée par 3 depuis les années 90. Les agriculteurs n'arrivent pas à vivre de leur métier. Et de l'autre côté, il y a un Français sur 10 qui n'arrive pas à se nourrir. Et en même temps, nos activités, toutes les activités liées au système alimentaire, sont probablement parmi les activités humaines qui contribuent le plus à la dégradation des conditions d'habitabilité de la Terre. Donc aujourd'hui, déjà, ça ne fonctionne pas. Mmh. Et donc c'est ça qu'on essaie de montrer au travers des... Alors, très modestement par rapport à la situation que je viens de décrire, mais c'est comme ça qu'on choisit les indicateurs. On essaie de mettre en avance tous ces problèmes-là en disant aujourd'hui, ça va pas, on est très fragile pour demain. Et donc... c'est de cette manière qu'on les choisit. Et on ne fait pas d'accompagnement. Après, on a des demandes, en fait. On reçoit des demandes de territoires qui utilisent l'application. On ne fait pas d'accompagnement en tant que tel, au sens personnel. Nous, on est sur cette production de commun et l'association n'a pas vocation à aller aider les territoires. Il y a des bureaux d'études qui font ça très bien et donc on relaie les demandes quand on en reçoit. D'accord. Et moi, j'avais une autre question. Du coup, là, vous évoquez les composantes que vous utilisez dans l'outil. Et justement, parfois, vous disiez là que vous reposiez sur des chiffres de bureaux d'études ou comme ça. Et voilà, plus pour savoir précisément comment est-ce que vous avez élaboré ces composantes, si c'était des indicateurs que vous avez fait juste par collecte de données ou si vous avez fait aussi du terrain pour... voilà. Non, pas de terrain pour aller chercher la donnée. Nous, on utilise la donnée qui est produite par d'autres. Okay. Le choix initial d'indicateur, il est fait sur la base de, des recherches produites par l'association qui se dit ces sujets-là sont importants. Donc ces maillons, je crois que vous avez employé le mot maillon, ces maillons du système alimentaire sont importants à évaluer. Et après, en fonction de cette idée-là d'aller chercher des indicateurs pour expliciter, évaluer ce maillon, on regarde la donnée disponible. Et la donnée, elle peut être de différentes natures. Par exemple, vous avez des données... de la graisse sur le recensement agricole qu'on utilise. Donc un indicateur, c'est combien d'agriculteurs sur mon territoire et quelle est l'évolution de la population agricole sur un certain nombre d'années. Il n'y a quasiment aucun calcul, on fait juste de l'agrégation au niveau des territoires. Des indicateurs plus, par exemple sur la biodiversité, qui vont être plus calculés par d'autres entités. Donc on utilise, je peux vous citer l'indicateur HVN, haute valeur naturelle, qui est un très bon représentant de... dans quelle mesure les pratiques agricoles aident la biodiversité. Celui-là, il est calculé par Solagro, qui est un bureau, une association en bureau d'études à Toulouse. Et là, c'est pareil, on le prend tel quel et on réutilise complètement leur méthodologie. Et puis après, il y a des choses qu'on calcule nous-mêmes. Quand on voit qu'il n'existe rien, et l'exemple que je peux vous citer, c'est la proximité au commerce. Il n'y avait rien sur... quelle est l'accessibilité physique sur les territoires au commerce? Est-ce que j'ai besoin de prendre ma voiture pour aller faire mes courses? Et si oui, ça induit une dépendance au pétrole, notamment. Et donc ça n'existait pas. Donc on a croisé des données de l'INSEE avec des données de OpenStreetMap sur les commerces pour calculer des rayons, en fait, et pour être capable d'exprimer que sur la commune du Gers, il y a tant de pourcents des habitants qui doivent prendre leur voiture pour aller faire leurs courses. Ok. Moi, j'aurais peut-être une question, du coup, juste pour replacer. Quand on utilise votre outil, on rentre un territoire, on obtient une note, et cette note a différentes composantes qui sont elles-mêmes des notes. Est-ce que, du coup, ces composantes ont toutes le même poids par rapport à la note du territoire, la note globale du territoire? Oui, alors vous noterez que le territoire n'a pas de note globale. Il y a, donc, effectivement, d'accord. Quand on rentre sur l'application, on arrive sur une synthèse qui va donner une note pour chaque maillon du système alimentaire. Okay. Donc on va évaluer sur 10, on va dire ce territoire-là, les terres agricoles, il y a une note de temps sur 10, donc on évalue les terres agricoles, la population agricole, les intrants, la dépendance aux intrants, okay. L'adéquation entre production et besoin, tout ce qui est transformation-distribution et la consommation. Donc 6 composantes, on donne une note et un message court à chaque fois, mais on n'a pas de note globale parce que déjà c'est extrêmement réducteur et on s'est posé plein de questions quand on a fait ce choix de mettre des notes sur ces composants. Et après, sur chaque note, on n'a pas de règle absolue sur comment calcule la note à partir des indicateurs disponibles. Si on regarde le diagnostic de la France, vous verrez que la France a souvent 5 parce qu'il y a plein de... Il y a un certain nombre de domaines où, par exemple, la population agricole, c'était assez difficile de donner un objectif qui n'est pas relatif. La population agricole, on sait qu'il faudrait qu'elle arrête de diminuer. Par contre, dire combien il faudrait avoir de population agricole selon les territoires, c'est très compliqué. Okay. Sur les pesticides, on pourrait par contre donner des objectifs plus concrets en disant qu'il faudrait zéro pesticide. Ça pourrait être un choix. Voilà. D'accord. Et pour revenir sur ces notes, du coup, quand on se penche un peu plus sur les résultats, pour moi, il y a un indicateur qui n'a pas de note. C'est le dernier qui concerne la consommation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Pourquoi celui-là n'a pas de note? Ouais. Alors pourquoi il est là et il n'y a pas de note? Il est là parce que la consommation, c'est une partie très importante de l'équation. Et donc, on voulait le mettre. Il n'a pas de note parce que la consommation, toutes les données qu'on a sont presque exclusivement au niveau national. Donc, c'est juste pour ça. Et on ne sait pas territorialiser, ça ne fait pas extrêmement, énormément de sens de territorialiser cette information. D'accord. Est-ce que, donc maintenant, on s'est un peu plus penché sur donc, l'état des lieux en France. Et quels sont les leviers qui permettraient d'avoir une meilleure résilience alimentaire en France? Et donc, du coup, on va s'intéresser du coup, aux volets qu'on connaît un peu, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de leviers, on l'a dit, ils sont nombreux. Mais du coup, on en choisit quelques-uns parce qu'on est étudiant en école d'agronomie et que du coup, on a certaines connaissances sur certains leviers. Et du coup, le premier auquel on peut s'intéresser, c'est la production alimentaire et du coup, repenser le modèle agricole. On a le levier d'augmenter la population agricole, on en a un petit peu parlé. Et en fait, on part d'un fait très simple, c'est qu'aujourd'hui, un agriculteur sur 5 a plus de 60 ans. Du coup, ça veut dire que bientôt, on aura un besoin de non seulement renouveler cette population agricole, mais aussi de l'augmenter. Et si on augmente la population agricole, c'est-à-dire qu'on a des fermes de plus petite taille, qu'elles sont aussi plus faciles, elles sont plus accessibles, en tout cas, on peut plus facilement devenir agriculteur ou agricultrice. Et en plus, on sait que plus les exploitations sont petites, plus il est facile d'y intégrer des pratiques agroécologiques. Aussi, le fait d'avoir énormément de fermes, ça va faire qu'on va pouvoir créer un réseau agricole plus local, du coup se baser sur l'entraide, sur la circularité, avoir une plus grande force de travail et du coup être moins dépendant des énergies fossiles. Après, du coup, tout ça c'est facile à dire, mais en fait en réalité c'est assez difficile à mettre en place et du coup on aurait besoin d'aide de politiques publiques pour accompagner l'installation de nouveaux agriculteurs et de nouvelles agricultrices. Et aussi, quelque chose qui me paraît très important, c'est qu'il faudrait changer la réalité des agriculteurs. Aujourd'hui, pareil, on l'a un petit peu évoqué, c'est une catégorie d'actifs qui a énormément de travail et qui est très peu rémunérée et assez isolée socialement. Tout ça, il faudrait le changer pour donner envie et aussi pour que ça soit un métier digne d'être vécu. Alors c'est vrai qu'on aurait besoin d'avoir plus d'agriculteurs. Comme vous l'avez dit, c'est difficile à chiffrer d'exactement combien il faudrait. Mais pour moi, il y a un autre point qui soulève, c'est donc oui, augmenter la population agricole, mais enfin, la base de quand même la production, c'est les terres agricoles. Donc chaque année, on perd l'équivalent de 6 fois la taille de Paris en terres agricoles. Est-ce que ce ne serait pas aussi un problème? Si, totalement. Il y a un autre levier sur lequel on peut agir, ça serait du coup préserver ces terres agricoles qui aujourd'hui sont mises en danger par l'artificialisation des sols. Qu'est-ce que c'est l'artificialisation des sols? C'est une altération durable de ces fonctions. Et en fait, c'est convertir des terres agricoles en des espaces urbanisés. Donc, en gros, c'est bétoniser des terres agricoles qui, du coup, ne peuvent plus produire. Et tout ça, c'est causé parce qu'on agrandit les villes, parce qu'on construit des routes et qu'on construit des zones économiques qui n'ont pas grand-chose à faire à la base sur des terres agricoles. Et tout ça, ça va à l'encontre de la loi zéro artificialisation nette de 2050. C'est une loi française. Et du coup, aujourd'hui, on peut se questionner sur la légitimité de ces projets. Est-ce que c'est vraiment utile de construire des routes, de construire des plus grandes villes? Et du coup, est-ce qu'on ne pourrait pas abolir certains de ces projets qui vont en fait à l'encontre de la résilience alimentaire? Et du coup, là, on peut nommer et se poser la question d'un projet qui s'appelle l'autoroute A69, qui est une autoroute, en tout cas, qui est en projet entre Toulouse et Castres, et qui nous ferait perdre à peu près 320 hectares de terres agricoles. Donc à peu près ce qui nous permettrait de nourrir 600 personnes d'après l'ADEME et tout ça pour gagner 15 minutes de route. Est-ce que c'est un projet qui est vraiment légitime? Est-ce qu'il est vraiment utile? Et en plus, on pourrait plutôt, à la place de faire ça, plutôt se baser sur les recommandations que font par exemple les greniers d'abondance, qui seraient de concentrer les constructions sur des zones qui sont déjà artificialisées et aussi occuper les bâtiments vacants. Et donc tout ça, ça permettrait, comme on l'a dit, on revient un peu au début, du coup, de protéger des terres agricoles, donc du coup d'en avoir plus pour avoir, accueillir plus d'agriculteurs et avoir une agriculture plus extensive. Et du coup, donc, une fois qu'on a réussi dans l'imaginaire à protéger les terres et à augmenter la population agricole, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Est-ce qu'on a un mode agriculteur qui peut-être est suffisant, ou est-ce qu'il y en a un modèle qui permettrait de tendre vers une meilleure résilience alimentaire? Ouais, du coup, il faudrait effectivement changer aussi de manière de faire l'agriculture et se tourner plutôt vers une agriculture qu'on appellerait nourricière. Donc, ça veut dire qu'on ferait des productions plus diversifiées pour pouvoir nourrir toute la population à une échelle locale. Ça veut dire que localement, on produirait beaucoup d'aliments de base qui permettraient du coup de nourrir la population, de répondre à tous ses besoins. Du coup, comme c'est produit localement, on éviterait beaucoup de flux de camions, comme on parlait à Armand, il y en a énormément qui circulent chaque jour. Et du coup, comment faire? Pareil, on a aussi besoin d'aide de politique. Et par exemple, on pourrait imaginer qu'on pourrait, pour chaque territoire, fixer des objectifs de production d'aliments de base, du coup, pour pouvoir nourrir chaque personne de la population. Du coup, on aurait non seulement besoin de changer un peu des productions, mais aussi de faire évoluer une activité agricole. Du coup, en fait, on pourrait imaginer que les productions de grandes cultures, donc tout ce qui est céréales, etc., pourraient intégrer dans leur rotation des légumes, des légumineuses qui s'adaptent en fait assez facilement à ce modèle. Et puis du coup, pour encourager les agriculteurs à changer ce modèle, il faudrait leur proposer des débouchés assez sécurisés. Donc par exemple, sous contrat élan, on pourrait s'appuyer sur des restaurations collectives qui du coup garantissent des milliers de repas chaque jour. Et donc tout ce qu'on a dit juste avant par rapport à la population agricole, par rapport aux terres et par rapport à l'agriculture nourricière, tout ça permettrait d'améliorer la résilience du système du coup face à une menace. On aurait beaucoup d'ateliers, des productions différentes pour compenser, et moins de dépendance envers les transports. Donc toujours concernant la production agricole, on parle donc des modèles, comme a dit Julie, le changement de modèle, mais ce qui entre en jeu aussi, c'est les pratiques utilisées au sein de ces fermes. Donc là, on peut citer l'agroécologie comme l'une des réponses à la question de la résilience. L'agroécologie, donc par ses pratiques, elle s'appuie sur les fonctionnalités offertes par nos écosystèmes, et elle favorise aussi les régulations biologiques. Donc la mise en place de ces pratiques, elle permet notamment de diminuer les intrants et surtout de s'adapter à son environnement, qui implique donc une diversité qui est propre à chaque territoire. Donc, par l'adaptation à son environnement, l'agroécologie elle développe des systèmes agricoles qui valorisent surtout la diversité biologique, donc en diversifiant les agrosystèmes et aussi les variétés cultivées qui sont plus adaptées au territoire. Et donc, cette diversification, elle permet une meilleure tolérance face aux perturbations climatiques et biologiques. Et ces perturbations, elles sont différentes selon les territoires. Et donc, on a un réel besoin de s'adapter aux problématiques locales. Et donc, cette diversité biologique, en conséquence, elle permet de préserver les ressources naturelles et notamment une gestion intégrée de la ressource en eau. L'eau qui aujourd'hui est un facteur limitant pour la production agricole. Et on retrouve un besoin, en fait, de diminuer l'utilisation dans ce secteur-là. Et donc ça, c'est possible en respectant les processus naturels tels que le cycle de l'eau, et notamment en implantant plus de cultures plus résistantes à la sécheresse, et donc de diminuer les cultures plus gourmandes en eau, et aussi de favoriser les pratiques qui favorisent l'infiltration et la rétention des eaux dans le sol. Donc on a beaucoup parlé des solutions à l'échelle de la production ou de la logistique, mais en tant que citoyen, est-ce qu'on a aussi des leviers sur lesquels on peut s'appuyer? J'ai envie de vous poser la question, Monsieur Durand. Il y a peut-être deux niveaux de réponse. En tant que citoyen, effectivement, on peut changer son alimentation. On l'a dit un peu rapidement, mais manger moins carné, manger plus local, manger bio, ça va jouer sur un certain nombre de de choses qu'on a évoquées. Par contre, c'est l'action individuelle, ça. L'action individuelle, elle peut pas faire, elle fait pas système, et donc il faut, on a besoin aussi de changer au niveau global, en fait, de changer un certain nombre de choses, de rendre l'alimentation accessible financièrement, en fait, parce que l'alimentation bio va coûter plus cher. Donc, comment on fait pour que plus de gens puissent acheter de la nourriture bio à l'heure où une bonne partie arrive déjà pas à s'acheter de nourriture? Et donc là, il y a des pistes très intéressantes qui s'appellent, par exemple, la sécurité sociale de l'alimentation, qui sont cette idée de repenser un peu le système par ce prisme-là. Peut-être l'émission touche bientôt à sa fin. Est-ce que vous avez envie de laisser une dernière phrase ou une idée phare pour nos auditeurs? Oui. En tout cas, moi, ce que j'ai retenu, surtout, c'est, qui me paraît très important, c'est du coup de... Enfin, en tout cas, l'implication des politiques publiques, on peut pas faire sans. Enfin, comme vous l'avez dit, en fait, le geste individuel est important, mais ne représente pas la majorité. Enfin, je veux dire, ça fait pas tout, quoi. On a besoin des politiques publiques, et du coup, ces politiques publiques peuvent nous aider à transformer un modèle agricole. Et puis aussi, ce que je retiens, c'est qu'il faut végétaliser son alimentation. J'espère, en tout cas personnellement, que grâce à ce podcast, de montrer l'importance du sujet de la résilience alimentaire. Et donc, que les personnes s'approprient ce sujet-là, qui est vraiment d'actualité. Oui, bah déjà, je vous remercie de m'avoir invité. Et en mot de la fin, oui, c'est un sujet qui est très complexe, mais qui est très urgent. Et donc, il faut agir maintenant, partout où on peut, sur les territoires, au niveau national, au niveau de l'Europe, en tant que citoyen, en tant qu'étudiant. Merci. Merci à tous. J'espère qu'on aura réussi à vous éclairer sur le sujet de la résilience alimentaire. Donc je voudrais remercier Campus FM, évidemment notre école, nos enseignants qui nous ont aidés à monter ce projet. Évidemment vous aussi, monsieur Lionel Durand, merci beaucoup d'avoir apporté votre expertise à ce sujet. Et je vous invite à aller écouter les autres podcasts Agro J'écoute qui sont en ligne. Bonne journée.